petit teaser. Qui avait été fait il y a longtemps, mais qui a été fait pour vendre Spirou Miro à l'époque. Et après, je te passe rapidement le truc là. Je pense que ça devrait être bon. Ce que j'ai fait, c'est que je pose une première question. Je vous lance sur la première question qui est juste pour. Enfin, voilà, pour une émission. Voilà, donc Miro Miro, hop, on passe. Ah, il s'arrête jamais, Miro Miro, en fait, c'est. Hop, j'ai passé et Aruna, et je vais vous demander comment est née la question vraiment très très simple, vraiment toute bête, mais comment est née Miro Miro, sachant que je vous ai pas montré, je voulais montrer, mais on a pas de temps pour montrer ça. Aruna, toi tu viens, tu as fait La Poudrière, et que les films que tu as fait à La Poudrière sont plutôt des films adultes. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je les ai vus hier soir, je pense que c'est bon. Comment toi t'en es venu à créer Miro Miro et comment, voilà, comment s'est passé les débuts de Miro Miro? On t'écoute et j'essaie de brancher ça. T'as un micro. Hop. T'en as, c'est bon. Miro Miro, comment est né Miro Miro? Comment tu as eu l'idée de Miro Miro? Est-ce que c'était pendant tes études à... Ça va peut-être faire un petit bruit, mais... Ça vous a réveillé, hop. Comment est né Miro Miro? Est-ce que c'est né au moment où tu étais à La Poudrière et tu as déjà eu ça? Il y a aussi les livres, il y a aussi... Comment est né ce personnage? Alors, déjà, c'est pas tout à fait l'adaptation. C'était pas l'exercice de la première, parce que les anges, je crois que sinon, à Léon et à Michel, c'était souvent pour l'exercice de l'école d'adaptation, mais en fait, ça n'a rien à voir que ça. Donc, Miro Miro, j'ai commencé à écrire 2010. Et donc, au début, c'était vraiment petit croquis dans le carnet. C'est dommage que je n'ai pas mis un croquis. Et après, petit à petit, vraiment, ça prend la forme. Donc, c'est vraiment le petit dessin de carnet, puis tu commences à écrire des petites histoires. Et puis, au début, je me dis, c'est peut-être que j'ai fait des petits bébés sympas. Et en fait, après, je ne sais pas pourquoi ça donne. La série, au début, je me dis, peut-être, j'ai fait une minute de à peu près. J'ai fait petit format comme ça, c'est facile. Une minute de je sais pas combien de formats, je me souviens plus. 26 histoires de une minute, je l'ai proposé comme ça à quelqu'un. Je me dis, ah oui, c'est cool. Et puis en fait, après, en avançant, ah oui, non, mais en fait, pour vendre international, il faut faire 3 minutes. Ok, donc vous avez fait 3 minutes. Et après, non, mais en fait, pour vendre au Japon, il faut faire 5 minutes. Finalement, ça devient. Les formats de 26, bon, mais on fait 52 vaisseaux, ok, c'est donc en fait, toi tu veux lancer ça, ça t'intéresse de faire une série quand même. Oui, donc jeunesse, à la base, encore une fois, toi tu fais des courts-métrages qui sont plutôt des courts-métrages adultes. Oui. C'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire dès le départ, cette série pour la jeunesse, c'est très... On peut dire qu'au début, l'histoire de Miro, c'était un peu cruel, c'était un peu étrange, vraiment... C'est là, vraiment, c'était pas très mignon du départ, c'était un peu. Mais je voulais faire un peu comme ça pour les adultes aussi, mais en fait, en travaillant, on n'arrive pas à voir, c'était un sujet, c'était un peu formaté pour la télé. tout cas, voilà, c'est-à-dire que c'est lancé, puis peut-être fois l'image dit, bah oui, ça nous intéresse, et donc tu changes petit à petit beaucoup. Donc, changer. Virginie vient quand sur le sujet, sur le projet ? Je suis arrivée à peu près en 2012, 2013. On a fait le pilote ensemble en 2013. Mais je suis arrivée un petit peu avant, donc contactée par Emmanuel Bernard, chez Folimage, parce que je connaissais Aruna, puisque je suis une des intervenantes à l'école à la Poudrière sur justement les séries télé, les adaptations, et j'accompagne aussi l'exercice qu'ils ont sur les petits films, les commandes, les espoirs d'animation. Voilà, donc j'avais rencontré Aruna de cette façon, on avait plutôt bien sympathisé, enfin, c'était sympa, et Emmanuel Bernard, qui à l'époque s'occupait de Folimage, nous a réunis, et puis j'ai travaillé pendant un an, enfin à peu près, en côtoyant Aruna, en fait, parce qu'il fallait que ça accroche quand même toutes les deux. On a des univers très différents, on vient d'univers très différents. Donc voilà, on a discuté. Mathilde Maranaki, qui est l'auteur de la Bible littéraire, est intervenue aussi sur le projet. Elle a fait, à la demande de Folimage, aider à faire évoluer le projet pour une série préscolaire, pour pouvoir la vendre à un diffuseur. Et voilà, c'est une alchimie qui a fonctionné comme ça un petit peu entre nous trois. Et puis. Pardon, juste. Voilà, j'ai essayé d'accompagner au mieux Aruna pour passer de cet univers très, très auteur à un univers où vous pouvez commencer à bien commercialiser une série pour enfants tout en respectant ce côté très, très atypique de la série. Donc voilà un peu comment on a collaboré. Mais bon, on parlait de tout. On parlait beaucoup d'art, toutes les deux, à la maison. On parlait d'Hiroshige. On parlait, voilà, comment s'inspirer aussi de tout ça pour la mise en scène et ramener tout ça dans un univers quand même jeunesse. C'était la demande du producteur. Il fallait que cette série existe. Donc tout en gardant l'univers, mais en préservant l'identité forte quand même qu'apporte Aruna, qui a un univers absolument magique, très beau, très, très sensible, très fin. Donc garder ça et en même temps l'inscrire dans un formatage de série que moi je connais assez bien pour en avoir fait beaucoup. Voilà. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prépare pour vendre la série. L'image demande quoi ? Demande tous les synopsis de tous les épisodes, ou demande un certain nombre. Il faut qu'il y ait tous les personnages qui vont arriver dans la série. Enfin, bien sûr, il faut connaître tout ça, et il fallait aussi convaincre les diffuseurs. Parce que ça n'a pas été facile. Hein. On a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs diffuseurs différents. On est passé par France Télévisions. Finalement, c'est Canal+ qui a craqué. Mais ils nous ont demandé énormément d'éléments pour être convaincus, des intentions de réalisation, comment ça allait être découpé finalement, parce qu'au début les modules étaient très très très courts, le premier teaser qu'on avait fait était extrêmement court, donc voilà, comment passer de quelque chose de très court à un format de 5 minutes. Donc Aruna a écrit énormément de pitch, d'idées, enfin voilà, de thèmes avec Guillaume Laurent, ses amis, anciens aussi de la Poudrière, enfin, Julien aussi était intervenu. Et puis après, on s'est à nouveau réunis, toutes les trois, avec Mathilde, Aruna, moi, et puis on a commencé à présélectionner dans ces pitchs ceux pour lesquels on pourrait passer quand même au synopsis et qui soient le plus adaptés quand même à une diffusion télé. Parce qu'il y avait des choses très, très étranges, hein, vraiment hyper étranges. Donc, on a fait une petite présélection et on s'est dit, puisque Canal+ était commencé à être contente, avait vu notre pilote, donc était plutôt satisfait des intentions de réalisation. Donc là, bon, on a proposé ces pitchs, un petit peu reformatés. Et, juste au niveau de ces pitchs, on voit qu'aujourd'hui, même les histoires de l'animation, par exemple, on écrit pour ces termes horribles, comme le preschool, tel âge, etc. Est-ce que là, rapidement, la chaîne Canal+ vous dit, voilà, nous, ça nous intéresse, mais il faut que ça soit dans telle case pour nous. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, il y a là, le travail, c'est-à-dire les pitchs, on les prend et on se dit, OK, là, c'est pour tel âge, donc il faut qu'on les adapte, c'est ça. Voilà, il faut les adapter, mais en même temps, garder cette couleur atypique. Cet univers extrêmement décalé. C'est-à-dire que Miaou Miaou, c'était pas Oui, ou c'était pas Choupi. Enfin, pour parler de séries qui sont très intéressantes, ou Boomerang, je ne sais pas, une critique, mais qui sont hyper formatées, avec toujours très feel good, c'est toujours positif, et puis bon, on ne peut pas prendre une paire de pâtes à roulettes sans mettre un casque et des genouillères. Voilà, nous, c'était pas ça. Et au départ, c'était une série aussi, on ne voulait pas. Voulait pas qu'il y ait beaucoup de dialogue. Et là, c'est là que les premières discussions ont commencé avec Canal+. Alors, bon, on avait commencé l'écriture. On avait commencé à écrire la série. On avait commencé à faire les storyboards. On s'est dit, bon, on fait 5-6 storyboards, on prépare les animatiques, on présente les animatiques. Et là, Canal a dit, mais c'est bien, hein, mais quand même, c'est pas assez bavard. Et là, aïe. C'est pas assez bavard, qu'est-ce qu'on va faire si c'est pas assez bavard? Parce que ça implique de repartir à l'écriture. Mais ça devient très compliqué parce que Miaou est un personnage qui ne parle pas. Si tu veux peut-être en. Tu reprendras là parce que je suis très bavarde. Donc, Miaou ne parlant pas, leur crainte c'était que les enfants décrochent en fait, hein, ne suivent pas bien les histoires par manque de fil conducteur dialogué. Alors que nous, on pensait complètement qu'avec notre fil narratif visuel, hein, la mise en scène, le langage corporel, enfin la qualité de l'animation, les histoires fonctionnaient très bien. Donc, on continue de penser que ça fonctionnait bien. Mais bon, voilà, c'est une demande. Et après tout, la chaîne, elle finance le projet. Donc, faut y répondre. Donc, on y était step by step. Hein, on n'a pas voulu être trop rapide à charger en dialogue, mais ça impliquait de revoir aussi les éléments de la Bible littéraire, c'est-à-dire qu'il fallait faire intervenir les amis de Miaou, parce que comme Miaou ne parle pas, ceux qui parlent, ce sont les copains. Et donc, plus de présence des copains, ça voulait dire revoir complètement les règles d'écriture, plus de personnages à l'écran, et tout à coup, c'était même plus le même budget. Voilà. Ouais, donc il faut un seul coup de tour. Donc on a tout repris, donc ça a été un peu compliqué parce que là on a repris en travaillant avec le directeur d'écriture, en travaillant avec les scénaristes et puis surtout les storyboards. On a essayé de réaménager, on a rajouté les dialogues. Alors c'est vrai que ça a été compliqué sur les épisodes qui étaient déjà écrits. Et puis une fois que les règles ont été mises en place, sur les épisodes qui sont arrivés, ça a été beaucoup plus. Si je posais la question des preschool, enfin, etc., c'est que je sais que j'avais fait une rencontre avec Mathilde, et qui disait qu'aussi il y avait ce problème de ne pas parler, par exemple, dire bah oui, mais nos séries doivent parler parce que c'est pour les petits, ils commencent à parler, donc il y a ça aussi, il y a plein de problèmes. Il y avait le problème que Miaou Miaou avait les yeux un peu fermés, il disait bah oui, mais non, il faut que ça soit des yeux grands ouverts, soi-disant pour le monde, c'est l'ouverture au monde, ce genre de choses. Absolument, ça c'était alors avant Canal. The Canal adore le graphisme d'Aruna, donc déjà. C'était beaucoup plus simple. Mais avant, avec d'autres rencontres, d'autres diffuseurs, effectivement, il y a eu cette question, est-ce qu'il faut avoir des grands yeux, quoi. Des yeux ouverts avec des pupilles. Et là, tout à coup, c'était juste plus du tout le graphisme d'Aruna. Donc, là, c'était. Il fallait batailler. Il fallait dire non, mais vous pouvez s'exprimer autrement. Et donc là, il y a eu un gros travail il fallait établir des règles d'animation corporelle. Hein. De Miaou pour qu'il soit hyper expressif. Il y a eu la question de la colère aussi, parce que Miaou, c'est un personnage qui est assez positif, qui arrive toujours à ses fins, mais il est plein d'aspérité. Il n'est pas toujours content. Et comme n'importe quel humain, enfant, il y a de la colère aussi. Et la colère, ça existe, ça fait partie de l'humanité. On peut ne pas être content. Et donc, comment il le montre? Alors, c'est vrai que Aruna avait le souhait de le montrer souvent très énervé, rouge de colère, à trépigner, et ça a été aussi mal pris, quoi. Il a fallu descendre d'un cran. Donc trouver de nouvelles règles, et ça c'est tout le travail que surtout Aruna a mené en relation avec Julia Allard, le chef animateur, également réalisateur ancien de La Poudrière, pour bien établir toutes les règles de jeu de ce personnage, pour le rendre touchant, attractif, ne pas tomber dans les pièges que demandent les diffuseurs de ces grands yeux de... En fait, finalement, ils se ressemblent tous. Et voilà, donc ça a été tout ce travail. Ce qu'on veut faire, c'est voir l'épisode. Ouais. Comme oui. ça, les, pour ceux qui ne connaissent pas Miro Miro, vous comprendrez mieux, en fait, le oui, personnage. Montrons le jumeau, oui. Le jumeau de Miro, parce qu'il est, il est assez... Oui. Il est très atypique. Non, c'est quoi, c'est un ouais, il a pas voulu. Attendez, faut fermer QuickTime. Il est où c'est ah, c'est QuickTime. Le montage des deux épisodes. Il a ajouté. Ah ouais. Internet. Il fait pas me lever. Ouais. Non, mais moi j'ai. Moi je suis. Je ne stresse pas. C'est dommage, j'ai. Ne pas enregistrer. Oui. Oui, bien sûr. Ça va. Hein. Sinon, si tu fais pomme F, ça devrait se mettre en place. Pomme F. Ok, homme F. Oui, commande. Mais ça marche pas du tout. Ça va. Sinon, t'as VLC. Bah, c'est pour ça, non. Vas-y, remets-le dans VLC. Remets-le avec VLC. Je sais qu'il marche bien avec VLC. Tu l'as ou pas VLC? T'es sûr? Mais t'as toujours. En plus, on n'a pas de VLC. C'est ton arbre. Moi, j'en ai chez moi. Attends, si tu veux. C'est bon, là. Normalement, tu le mets, tu fais commande F. Non ? Bah non, c'est F. Et voilà. Ah, cool. Et alors, pourquoi c'est. Fais Enter. Donc désolé à vous, comme le dit Aruna, ça sature complètement au niveau des blancs. On n'a pas eu le temps de faire malheureusement les essais tout à l'heure, donc voilà. Allez, vous faites, on vous montrera les images tout à l'heure sur le mien. Il y a un problème, ouais. Il y a un problème et de son et d'image. C'est ça, de faire des changements. Ne faites jamais ça. Si jamais un jour vous faites un truc, ne faut jamais faire un changement d'ordinateur. Parce que forcément... Tu ne peux pas le mettre sur un disque dur et tu le mets sur ton Mac. Le stress, hein. Mais t'as ces disques durs. Je pense que c'est beaucoup plus... Ouais, mais comme on n'a pas fait, en fait, ça va être... Pour voir qui règle les problèmes techniques, si vous avez quelques questions sur notre projet. Oui, donc, hein? Oui, tout à fait, merci. On essaie de faire les deux à la fois, donc c'est pas évident, excusez-nous. Donc, il y a cette adaptation. Est-ce que Miro Miro, et je sais que souvent, l'un des problèmes, c'est la coproduction. Est-ce qu'il y a eu ce problème-là à ce moment-là? Je sais que les pays, chaque pays a vraiment... Voilà, c'est la vision des choses en Allemagne, il faut que ça soit comme ça, il faut que... Enfin, en espérant, enfin voilà. Est-ce que là, il y a eu ça sur la chance qu'on a eue. Ouais. La chance ou la malchance, je ne sais pas. En tout cas, la chance, c'est qu'il n'y a pas eu de coproduction internationale au démarrage. Donc, c'était une production franco-française. Donc, le plaisir de travailler en français, de travailler les dialogues en français, de ne pas avoir à se poser les questions, de questions culturelles. Alors, évidemment, Aruna avait... dans l'espoir de vendre la série quand même au Japon, était en interface avec quelques interlocuteurs japonais, elle connaissait bien quand même la demande. Voilà. Et puis en cours de production, on a fait, pour avoir les compléments financiers, parce que justement la série était un peu plus chère, avec plus de personnages et de dialogues. Donc là, il y a une média participation, télévision qui est rentrée dans la coproduction, mais c'est belge et... adoraient le projet, voilà, il n'y a pas eu de demande d'adaptation, enfin, pour une modification de contenu. Voilà. De ce point de vue, on était tranquille. Le CNC aide des séries comme celle-ci. Oui, bien sûr. Il y a eu une aide du CNC pour le développement et pour. Et puis avant, Aruna avait eu la fondation Beaumarchais, enfin. Tout ça, tous les termes écriture, développement. Vas-y, ouais. Donc ces aides-là permettent évidemment, dans ce que vous avez dit, depuis le début de la semaine, on parle beaucoup de rencontres, en fait. Hein. Je crois que c'est le mot à chaque fois qui est important. On a eu une rencontre avec les producteurs qui disaient, mais nous, c'est une rencontre avec les auteurs. Il y a vraiment cette idée. Donc là, ça permet, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de prendre du temps, de discuter, de dire qu'est-ce qu'on veut réellement et de rester finalement fidèle. C'est ça, à ce projet d'origine. Parce que, juste pour bien faire comprendre, en effet, on passe un peu rapidement, mais comme on l'a dit, France Télévisions au départ, là, on veut des changements. Canal+, même s'il y a moins de changements, il y a quand même des changements, évidemment. Et donc, à chaque fois, c'est énormément de temps, parce qu'évidemment, ça ne s'écrit pas comme ça, une série. Donc, à chaque fois, c'est en même temps. Je posais la question qui est toujours la même, mais parce que à chaque fois, je pense que voilà, cette durée est tellement énorme. Comment on garde l'énergie, la foi du projet, de se dire, OK, c'est pas grave. On savait, on est encore pour 6 mois, mais on aime tellement ce projet, c'est ça qu'il faut avancer quand même. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça. Ça a créé 2010, à partir de Facebook. Et puis, comment ça a créé l'histoire en 2012. Et oui, on est en train de diffuser en ce moment, donc ça fait déjà 7 ans. Mais... Sa temporalité aussi est difficile parce que entre 2010 et 2016, on évolue, tout le monde évolue. Et donc, d'un seul coup, c'était jamais facile de garder finalement l'origine du projet, de se dire et d'avancer avec le projet comme on peut avancer professionnellement, on va dire, dans l'écriture. Oui, c'est vrai qu'on a plus le temps, mais quand même, on a gardé ce qu'on veut faire. Et vraiment, des fois, ça change l'écriture, on a ajouté des dialogues, et c'est plus épuré, mais on est toujours content de garder l'univers d'origine. Ça, vraiment, on n'a pas lâché. Donc ça, vraiment, on n'a rien écouté, on ne sait pas, mais rien écouter France Télé, on oublie, faut parler de Folle Image. Il y a aussi, dans ce cas-là, Folle Image qui dit non, ça, faut vraiment, ça, vous pouvez pas faire autrement, faut vraiment leur céder ça, on va dire. Alors, vous ne vouliez pas céder. Si tu veux garder, par exemple, Miro qui ne parle pas, par contre, il faut leur donner quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a cette idée de négociation, quand même, quelque part, assez régulièrement? Oui, Virginie. Oui, bien sûr, sur les dialogues, enfin, l'implication des amis. Enfin, définitivement, il n'y avait pas le choix. On était déjà en production. Donc, on a discuté avec la chaîne, évidemment. On s'est fait quelques réunions. Elle nous écoutait, d'ailleurs. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges, y compris sur la voix de Mirou. Hein. Les premiers tests de voix de Mirou étaient très... c'était une voix très, très rauque. Et donc, ils avaient peur qu'on donne une image trop négative du personnage. Donc, il a fallu retravailler. Voilà. Donc, on a préparé une banque qu'on plaçait comme on pouvait sur l'animatique pour quand même donner les intentions pour les animateurs, sachant que ce n'était pas la version définitive et qu'on a retravaillé tout le placement des voix de Mirou. Après un nouvel enregistrement un petit peu plus soft, on a replacé tout ça en post-production, enfin pendant le montage image. Et c'était pas évident, parce que ça, c'est le monteur image qui plaçait les sons. On avait deux monteurs, il y en avait un qui avait super bien compris tout de suite, et puis l'autre, il a fallu un peu plus de retake, il lui a fallu plus d'épisodes pour comprendre bien toutes les petites intonations de Mirou, celles qui correspondaient mieux maintenant à l'animation. Tout ça, c'était compliqué, mais c'était une demande de la chaîne, ça, par exemple. Aruna, c'est important d'avoir quelqu'un comme Virginie qui connaît tous les rouages, qui a déjà fait plusieurs séries, connaît les rouages un petit peu et de ne pas forcément craquer, de ne pas dire bon, parce que c'est... J'insiste sur cette énergie, sur le fait de garder, mais peut-être de dire à un moment donné, voilà, ça va être trop compliqué, je suis en train de perdre complètement pied par rapport à ça, c'est bien d'avoir quelqu'un ou non, t'as toujours... rien à voir avec quelqu'un, ça veut dire qu'on résume. Oui, c'est ça, qui connaît, qui peut dire non, mais là c'est pas grave, on va leur céder ça, et puis, mais t'inquiète pas, je vais regarder. Ça. En tout cas, quand on fait le film, c'est un peu comme ça. Donc, c'était plutôt comme ça. Oui, enfin, on a travaillé comme ça. Hein. Heureusement. Bon, alors, beaucoup, mais Aruna. Je parle beaucoup, mais Aruna disait aussi très clairement ce sur quoi elle ne voulait pas céder. Quoi. Et ça, on se mettait d'accord sur comment s'y prendre. Hein, voilà, donc j'ai la parole plus facile, j'ai peut-être été parfois plus au front comme ça, mais c'est un binôme. C'est des fois plus des connaissances. Si je pose la question, pareil, toujours dans cette rencontre absolument passionnante, c'était l'association Beaumarchais, donc qui donne de l'argent. Et moi, il m'avait demandé de faire des rencontres avec des gens qui, et d'ailleurs, laquelle est là, on avait fait il y a quelques années aussi sur Recto Verso, une série qui ne s'était finalement pas faite. Donc le travail qu'on fait comme ça pour finalement. Les gens qui disent ah, c'est super, mais moi, on ne le fait pas. Il y avait des gens qui s'étaient rendu compte que le CNC et Beaumarchais donnaient beaucoup d'argent à des séries qu'ils espéraient innovantes, on va dire, et qu'en fait, quand ils regardaient, très peu, au final, étaient réalisés. Voilà. Et donc, je me disais que d'un seul coup, dans un binôme où quelqu'un connaît quand même un peu mieux la télé depuis un bout de temps, et pas avoir quelqu'un qui débute, on va dire, dans la série télé, d'avoir deux, ça permet peut-être de s'aider à se dire allez, là, ne t'inquiète pas. Voilà, c'était ça ma question réellement. Quoi. Oui, j'imagine que ça a joué. Alors après, on n'en est pas vraiment consciente parce qu'on a. Enfin voilà, quoi, oui. C'était. Au bout d'un moment, on se connaît bien. Voilà, bon, sur deux, trois trucs, des fois, on a bataillé. Enfin, on se posait des questions. On n'était pas forcément. Mais c'est normal, quoi. Enfin, on a deux personnalités différentes. Forcément, 100% d'accord. Mais bon, ok, on laisse ça. Enfin, notamment sur les dialogues. Tu voulais qu'on en mette encore moins, ou des dialogues qui n'étaient pas toujours terribles. Quand je disais, t'en fais pas, on va les laisser comme ça dans l'animatique, on va laisser une petite partie sur du off, et tu verras, il y a des trucs qu'on arrivera à dégager après. Donc on a fait valider les animatiques avec un peu plus de dialogue, on en a retiré beaucoup au montage. Il suffisait qu'il n'y ait pas de lips à ce moment-là, ou de jeu sur du off. On a réussi à épurer, et à l'arrivée, on a été assez contente, et je pense que... Là, je pense que je suis contente d'avoir bataillé là-dessus, on avoir laissé pour faire passer des validations, les avoir retirés après, et la chaîne était ravie. Ça fonctionnait parce qu'en fait, il y avait tout un travail de bande-son, de bruitage, un bruitage naturaliste, plus la musique. Et tout ça, fallait trouver une jolie ponctuation. Et on pouvait se permettre, quand on était en phase de travail de cette bande-son définitive, en mesure de prendre des décisions sur le dialogue là. On savait qu'il ne servait à rien. Bon, on n'a pas eu de peine. Il fallait juste être un peu malin pour ne pas tricher, voilà, tricher pour ne pas avoir problème de lips. Donc, lips, hein. Oui, de synchronisation, de synchronisation, des, okay, synchronisation connaît, des bouches. Ouais. Je vais acheter un truc. En fait, des vieux, quand on a créé le numéro, on a dit à peu près la durée de 5 minutes. Moi, je voulais garder à peu près 30 ans de dialogue, ce qui est vraiment rare, il n'existe vraiment pas. Et après, bon, en travaillant, on a trouvé quand même entre 45. Oui. On a dit max 45 dialogues, donc 5 minutes. Mais la chaîne, elle demandait double. Donc oui, on finalement, était à 80. 80 et 90 dialogues. Donc il y a vraiment des dialogues, des fois, qui ne servent pas. Donc en fait, on ne calcule pas ça par rapport à est-ce que c'est bien pour le. Est-ce que l'épisode fonctionne comme ça, mais plutôt il y a un cahier de charge en disant il faut tant de dialogue, il faut tant de ceci, il faut tant de cela en fait. Oui. C'est la première fois que j'entends, en effet, qu'il doit être quelque chose de très courant, hein, mais en effet, le fait que ça soit calculé à l'avance. Alors, c'est pas la chaîne qui a demandé 80, c'est le fait d'avoir demandé beaucoup de dialogue. Il a fallu à un moment donné calculer pour que ça tienne dans cette durée de 5 minutes. Ça, c'est... Les épisodes sont structurés de telle sorte qu'il y a quand même une partie avec la danse de Mirou, de la magie, et là, il n'est pas question d'avoir un dialogue, et le petit poème à la fin. Bon. Donc déjà, il y avait toute cette partie qu'il fallait préserver telle qu'elle avait été imaginée dès le départ. Tout le reste, la présence des amis, beaucoup de dialogues. Donc nous, on est arrivés à dire le calibre, parce qu'il faut bien donner l'information au scénariste. Hein. Il y avait quand même, ils ont travaillé en binôme, on a eu combien, une grosse quinzaine de scénaristes qui ont travaillé sur le projet. Donc il faut bien leur donner des règles de scénarisation. Donc les règles de scénarisation, c'est la structure de l'épisode, une certaine quantité de dialogue. Voilà. Combien d'épisodes finalement pour cette saison? 50. Donc il y a une saison pour l'instant. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a une... Je vous demande déjà. Pour l'instant, vous savez pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai essayé d'avoir des informations sur l'audience. J'ai croisé. Pierre Mélanie. Qui est responsable du studio là maintenant de Folimage. Ils ont essayé d'avoir des informations avec toutes les coupes budgétaires de Canal Plus. Ils n'ont pas eu de compte-rendu de médiamétrie, taux d'audience, je ne sais pas quoi, de la série. Alors voilà ce qu'il m'a répondu. Donc on ne sait pas. On va essayer de croiser Sophie Gobet. En tout cas, vous avez fait des retours agréables. Alors, évidemment, quand des défauts, ça arrive. Quand une séance, des fois, a du mal à démarrer, tout démarre mal comme ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Et donc, le disque dur, au final, n'arrive pas à se mettre sur mon ordinateur. J'ai aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, c'est une chose. J'ai changé le truc. Enfin, voilà, pendant que vous parliez. Mais ça ne marche pas. Ce que je propose, c'est qu'on regarde si ça te va. J'avais récupéré sur. C'est le même que tu voulais. C'était. J'avais récupéré sur le Vimeo. Ah bah, très bien. Pareil, on va avoir. On va juste éteindre normalement. La musique part, comme ça vous avez tout. Hein. Voilà. Et. Je vais juste demander qu'on éteigne. Il est parti, génial. Et normalement, hop, et allez. Non, tant qu'à faire, hein. Faut que ça aille jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune. C'est voilà. Tu parles à ton reflet, Mirou. Laisse-le, tu vois bien qu'il est tout seul, le pauvre. T'as pas d'autres copains loutres ou quoi? Finir mon raton laveur de neige. Alors elle est passée où? La loutre au bonnet. Une loutre, un bonnet? De quoi tu parles, hérisson? Ah, mais c'est le bonnet de mon ami cochon. Cochon? Mais alors, Mirou, la photo, c'est toi? Une photo de Mirou? Elle est bonne, celle-là. Si vous voulez résoudre le mystère, suivez les traces, mes petits amis. Rattrapons-la. Enfin, je sais pas trop qui, mais dépêchons-nous. Salut, moi c'est Cochon. Tu veux des chips goût cookie Saint-Jacques? C'est mes préférés. Vas-y, prends, fais pas ton timide. Prends tout, c'est cadeau. Je sais que t'adores ça. Je t'ai observé, tu sais. Je vois bien que tu remontes toujours les plus belles coquilles Saint-Jacques du fond de la rivière. C'est pour ça que je voulais une photo de toi tout à l'heure. Incroyable! Repère de Saint-Jacques! Oui. Des coquilles fraîches! Merci, Mirou. Merci, cochon. Un peu de jus de coquille. Oh oui, j'en ai tellement goût, j'ai trop soif. C'est délicieux. Cochon et loup, fans de coquilles, frères de Saint-Jacques. Pour l'image, ce qui est intéressant, alors quand vous regardez l'image, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, c'est dommage parce que je ne vois pas Yann, hein, Yann n'est pas arrivé, Yann aussi, Yann avait dit qu'il passe la tête, c'est lui qui a fait toute la musique et le son, et ce qui est intéressant quand on écoute, c'est qu'il y a finalement assez peu de musique au tout début, et que la musique n'arrive qu'à la fin à un moment donné, enfin voilà, qu'à la fin avec aussi évidemment la danse, ça c'était quelque chose d'important aussi de laisser le silence et de laisser finalement le. Oui, des moments sans musique, c'est important. C'est une série qui se passe dans la nature, hein. On parle beaucoup de nature, donc il fallait que toute la bande-son, le bruit du vent, les pas dans la neige, l'eau, tout ça soit très, très présent. Donc si en permanence de la musique, tout le temps, c'était lourd et c'était pas intéressant. Voilà, donc ça c'était une volonté qui n'est pas trop de musique. On a beaucoup échangé avec Yann pour obtenir ce qu'on souhaitait. J'insiste sur ce point parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai montré aussi Polo, l'exemple que je montre au tout début aujourd'hui et pas à un autre moment. C'est que c'est vrai qu'il y a cette volonté toujours de faire. Et un cinéma, et c'est très explicatif, où on est sûr que les enfants vont, entre guillemets, pas s'ennuyer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, on a un truc, il faut toujours mettre de la musique tout le temps, ou la vie des dialogues tout le temps, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, il y a des moments touchants, où il se passe moins de choses, on va dire, dans la série. Alors, ce serait facile de dire que c'est le côté un peu japonais de la série. Il y a quelques séries qui se battent comme ça, et là j'oublie, mais il y a une série qui est produite par. Par Serge Edissal, après une petite bande dessinée avec un. Oui, Boris. Boris. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de séries où on voit, alors voilà, Boris, il est aussi colérique. Il va être méchant avec ses jouets, etc. etc. Et pareil, il n'y a pas forcément beaucoup de musique. Vous pensez que ce genre de série va être de plus en plus présent et qu'on va commencer à avoir peut-être. Même s'il y a des combats qui sont longs, mais. On espère vraiment que ça devient une série qui existe. De se battre, et il faut qu'il existe vraiment parce que voilà, c'est très bien de regarder les séries originales déjà. Oui, c'est ça, t'as tout à fait raison, on en a pas parlé au début avec tout le team, mais c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est vrai, c'est original. Il faut savoir, France Télévisions, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, elle a annoncé 15 projets, nouvelles séries, tout le monde était très content, et en fait, sur ces 15, c'est 15, dont la semaine, c'est 15 adaptations de BD ou en tout cas comment on dit, préexistant, alors que là c'est vraiment une création complètement originale. Virginie, cette idée de peut-être avoir, je sais pas si une nouvelle vague de série, mais en tout cas peut-être bah, un petit peu différente. Oui, mais je pense qu'il y a aussi, enfin, il faut avoir la foi, c'est-à-dire que c'est extrêmement long de développer un concept original. Voilà. Donc il faut y croire et il faut pas lâcher le morceau. Mais il faut écouter, c'est-à-dire il faut écouter les producteurs, il faut écouter les autres, il faut écouter aussi les diffuseurs pour réussir à trouver le bon angle pour avoir une création originale. Concernant quand même la bande-son qui est agréable, il n'y a pas de la musique tapageuse du début à la fin, y compris dans des moments qui seraient parfaitement inutiles, là, je dois dire que la collaboration avec Canal+, elle était parfaite, c'est-à-dire que ils ont adoré le travail. On n'a pas eu une seule fois de demande de retouche de la musique sur l'intégralité de la série. C'est quand même agréable. Donc voilà. Avant-hier, on parlait justement de rencontres et de trouver peut-être le bon producteur. Parce que des fois, on dit un producteur et finalement c'est pas bon. Là, d'un seul coup, on peut imaginer que c'est la bonne chaîne télé en tout cas pour accueillir le numéro. C'était la bonne chaîne. Franchement, la relation avec Canal a été vraiment super. Comment ça se passe? C'est quoi les mots où on se dit d'un seul coup, les mots qu'on entend en face, on se dit d'accord, là, ils ont compris peut-être la série et ok, ça vaut le. Enfin, voilà, là c'est peut-être la bonne finalement, alors que France Télévisions, et ça peut être l'inverse de temps en temps sur les séries, c'est pas. Mais d'un seul coup, France Télévisions pourrait dire des mots qui disent ah ben non, là ils n'ont rien compris à la série et ça ne marche pas. Il y a des. Je sais pas, encore dit des mots en tout cas, voilà, où on se dit tiens. Oui, il y a eu un mot, je me souviens, qu'avait dit Sophie Boé quand on parlait de la bande-son, c'est quand elle a parlé de la nature, quoi. Du côté naturaliste de la série, et qu'elle adorait le bruit du vent, et elle me suis dit, bon, bah, super, quoi, déjà, enfin, c'est bien. Alors qu'avant, quand on était encore en développement, et avec des relations avec d'autres personnes, dans d'autres chaînes de télévision, qui disaient, ah non, mais c'est pas assez poétique, Guirou, et on disait, oh, si Guirou n'est pas assez poétique, alors, que faire? Ou alors, non, mais la poésie, je ne peux pas comprendre, enfin. Et comme vous dites, ce qui est étonnant, vous l'avez vu, en tout cas, voilà, quand même dans les mouvements de Miro, et juste pour revenir, je vais vous laisser, si vous avez des questions, la parole juste après, tant c'est toujours trop vite, évidemment, dans ces cas-là. C'est vrai qu'il est très, très expressif. Miro, comment ça s'est traversé? C'est toi qui avais déjà cette envie d'avoir ce personnage très, très énergique avec ses. Oui, déjà, graphiquement, c'est très simple, très facile à dessiner Miro, et les yeux, et donc si en plus il parle pas, donc on a beaucoup regardé d'instants de port, hein, vraiment on exprime tout le corps, tout le temps sans être agressif, on peut dire. La petite bible des vrais loutres. La petite bible des vrais loutres. Oui, bah, Aruna a fait un cahier absolument magnifique. Elle a trouvé plein d'images de loutres dans la nature. Était hyper expressive avec les mains sur les joues, les loups sont expressifs. Et on a beaucoup travaillé autour de ça pour trouver une gestuelle typique et particulière de son personnage. Juste pour vous montrer un peu ce que j'avais prévu et puis on n'a pas eu le temps, mais par exemple, Aruna, c'est toujours un petit peu, voilà, ça c'est par exemple juste un extrait du film de fin d'études, il y a longtemps, je sais, Aruna, tu vas dire, mais voilà, du film de fin d'études d'Aruna, je voulais commencer comme ça pour montrer aussi évidemment le. Bah, le changement et qu'on peut avoir, hier j'étais avec Vladimir Novnyakouka qui a fait un film en compétition avec plutôt sur les planètes again, et il a deux styles bien différents, il disait voilà, il y a un style plus adulte on va dire et un autre plus pour clim, etc. Et d'avoir finalement deux styles complètement différents, ça toi tu as bien, t'as envie de reconstruire des choses comme ça en ayant Miro Miro, pas forcément celle-là mais en tout cas voilà dans ce style-là. Oui, c'est la question que tout le monde pose souvent. J'aime bien changer aussi, donc j'ai pas du tout envie de continuer le même style, tout le temps, ce qui est bon, c'est les concepts, bon concept, l'histoire qui tient, ça me gêne pas du tout changer ça, mais par contre, j'ai fait Canal J, la première couple de l'année, fameux espoir de l'animation. Voilà, elle était intervenue aussi. Et j'étais intervenue. Il y avait des gens écoutés, des temps aînés en fait. Donc ce moment-là, ah oui, c'est intéressant que la série pour les enfants. Mais donc c'est pas. C'est pas de bon. Je sais, encore une fois, c'est ce qui, pourquoi aussi parler de ça, c'est que le challenge, on parle beaucoup de, avec la semaine, notamment cette année, l'année dernière, enfin voilà, non, cette, l'année dernière, on parle beaucoup avec la semaine de conquérir, on va dire, un public adulte aussi en série, et je pense que les séries enfants doivent aussi conquérir, on va dire, en tout cas, une nouvelle légitimité, en tout cas, une autre légitimité par rapport à ce qu'on peut voir. J'avoue que je ne sais pas si tu peux nous parler, moi j'ai été surpris en étant en allant au Japon, je pensais que toutes les séries étaient géniales. Et en fait, il y a plein de séries absolument terribles aussi. Au Japon, pour les enfants, on a l'impression que des fois, les enfants ne sont pas gâtés. Comme je vous disais tout à l'heure, en arrivant, évidemment, voilà, on essaie aussi très modestement de faire à côté, en passant par exemple en sortant de l'école, notamment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Aruna, par rapport à Miru, par rapport à Virginie? C'est là où on voit qu'on est. J'essaie de voir dans la semaine, mais là je dis encore plus. En fin de semaine, est-ce que vous avez des petites questions? Non, pas de questions par rapport à ça. Est-ce que, je ne sais pas, une dernière question c'est dommage en fait, c'est vrai, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Yann me disait hier soir qu'il allait passer, il aurait pu nous expliquer un petit peu. Armel, tu voulais passer, en fait, non, on peut. Tu m'avais dit, je veux absolument passer ça. Ah oui, c'est mignon ça. Ce qui est intéressant dans Miru, dans tous les épisodes, j'ai pas vu tous les épisodes, j'ai l'impression qu'il y a une morale, mais que celle-ci n'est jamais appuyée. Il n'y a jamais l'idée à la fin de se dire ah, vous avez compris les enfants, il faut ça, et qu'elle est en filigrane pendant tout le long, et que finalement, voilà, on peut la voir et même peut-être la louper, mais en tout cas. Voilà, et puis c'est surtout grâce au petit poème à la fin on a quelques clés pour comprendre aussi toute l'histoire. C'est parler de choses importantes. Donc le premier, le jumeau Mirou, bon, il voit les jumelles, il se demande si lui aussi il pourrait pas avoir un jumeau. Et puis finalement, le jumeau qu'il découvre, c'est juste quelqu'un qui partage la même passion que lui. C'est sa nourriture favorite, qui est la coquille. Dans le secret de chauve-souris, c'est comment garder un secret, pas le révéler, la peur qu'un ami le fasse, et puis finalement, comment réussir à amener tous ses copains à partager cette même passion, mais sans avoir révélé que c'était ça, c'était un petit secret. Donc tout ça, c'est extrêmement mignon, mais ça a du sens, quoi. C'est pas chaque histoire raconte quelque chose de super important pour l'enfance, quoi. Ça aide à grandir, enfin, c'est joli. Et on a fait ces petits clips, parce qu'évidemment, c'est une histoire de budget, donc on a fait, au lieu de 52 épisodes, on a fait 50. Et puis, bon, on a fait des remontages, et puis, avec les deux chansons qu'on avait, on s'est fait deux plaisirs avec deux petits clips. C'était les petits bonus. Je crois que voilà, si vous avez l'occasion de gagner au Mirou, il y a aussi un côté très ludique et de plaisir, et on voit, ça paraît toujours facile de dire ça, mais je trouve qu'il y a des séries où on voit quand même, malgré toutes les difficultés, les gens ont pris du plaisir à faire finalement cette série. On est en retard, merci beaucoup toutes les deux, merci d'avoir, avec tous les petits problèmes techniques qu'on a eus, et d'être venus et de nous avoir parlé. Merci. Merci. Merci. Et j'ai rien à dire pour la saison 2.